بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc mes frères bien-aimés, de par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons les cours de cette soirée qui sont des cours de Tawhid. Nous sommes actuellement en train de citer les noms merveilleux d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une partie de leur explication, de leur sens et de leur portée. Et actuellement, nous sommes en train de citer les noms merveilleux et les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal dans Al-Ghafour et Al-Ghafir, Al-Ghaffar et Al-Afou. Donc, ce qui fait référence au pardon et à l'indulgence de notre Seigneur Subhanahu Azza wa Jal. Nous avons cité jusqu'à présent un certain nombre d'éléments concernant cela, et parmi ceux-là, nous avons cité la définition. Aujourd'hui, nous allons citer la portée de ces noms. Donc la portée de ces noms, ça veut dire ce que nous enseignent ces noms de manière indirecte. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'implore succès, rectitude et droiture dans ce qui va être dit. Amen. Donc les significations de ces nobles noms d'Allah azza wa jal, le pardonneur, ou bien ceux qui font référence au pardon. Donc le grand pardonneur, le très pardonneur, celui qui pardonne et celui qui efface les péchés. Al-Afou. Le sens, nous l'avons déjà vu. Maintenant, la portée. Lorsque on apprend ces noms, lorsqu'on les étudie, qu'apprend-on après? Quelle est la portée? Quelle doit être notre vision lointaine de ces noms? Quels sont les enseignements? Quelles sont les sagesses? Quelles sont les leçons que nous devons prendre de cela? Les leçons que nous devons prendre de ces nobles noms d'Allah Azza wa Jal sont multiples et diverses. Et personne, strictement personne, ne peut les cerner. Mais parmi les plus apparents de ces enseignements, nous avons un certain nombre. Nous allons essayer de les citer, Inch'Allah Azza wa Jal, citons les preuves sur cela, Inch'Allah. Le premier des enseignements que nous apprenons à travers le fait qu'Allah Azza wa Jal pardonne les péchés, expie les péchés, absout les péchés, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal sache tous les péchés qu'accomplit ses serviteurs. Il les sait tous, de tous ses serviteurs. Il n'y a aucun péché qui est insu. Il n'y a aucun péché qui passe entre les mailles du filet, sous la trappe. Tout comme Allah Azza wa Jal entend l'invocation de tous ses serviteurs en même temps, quelle que soit leur demande, quelle que soit leur langue, quel que soit le temps de leur voix. De même pour les péchés. Et même si la personne qui fait le péché cherche ses forces, ses vertus, je ne sais même pas ce que c'est correct de dire, ses vertus pour faire un péché, mais ses forces à se cacher, à se Personne ne sait qu'il a fait un péché. Allah Azzawajal le saura. Des fois, il y a des gens qui font des péchés, il faut attention à ce qu'il y a des caméras de surveillance, est-ce qu'il y a des micros, est-ce qu'on peut le voir à travers ceci, est-ce qu'on n'a pas oublié une chose, est-ce qu'il y a un animal qui me voit, après il sera témoin, est-ce que... Et il se cache dans l'obscurité de la nuit, loin des gens, et dans des conditions. Quelles que soient ces conditions réunies pour que personne ne sache, qu'il sache qu'Allah le sait. Allah sait les péchés qui sont très subtilement cachés, maquillés, même maquillés. Des fois, des personnes font des péchés. Mais ils maquillent ce péché comme quoi c'est une bonne action. Puis au fait, j'ai juste voulu le bien. Mais Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur. Connais ta motivation. Connais qu'est-ce qui t'a poussé pour. Et sais ce que tu allais faire si on ne t'avait pas vu. Allah Azza wa Jal, comme il a dit dans le verset selon la traduction approximative et rapprochée du sens du Coran, il connaît la trahison des regards et ce que cachent les poitrines. La trahison du regard, cela veut dire quoi? Cela veut dire le regard furtif, le regard caché, subtil, que fait une personne tout en s'efforçant du mieux qu'il peut pour que personne ne la voie. Tu marches sur la route, ou bien tu marches dehors avec une personne. Les yeux comme ça ou les yeux au sol, tu vois rien, tu fais attention à rien. Dès que la personne se baisse pour refaire ses lacets, ah, tu regardes. Tu es dans un transport en commun, tu es dans une voiture. Tu fais attention, oui, il y a un tel avec moi, voilà. Dès que tu vois que cette personne est distrait au téléphone ou distrait avec une telle chose, ah oui, l'occasion pour regarder. Donc, ça c'est la trahison du regard. Ça veut dire un regard que des gens font avec subtilité et qu'ils cherchent, ils font du mieux qu'ils peuvent pour que personne ne perçoive ce regard. Des fois, tu tournes la tête à droite, mais tu regardes à gauche. Des fois, il y a des fois même des personnes avec le téléphone. Il veut pas voir, il peut pas voir, donc il prend son téléphone, il met la caméra pour qu'il puisse regarder, pour qu'on ne pense pas qu'il regarde. Et. Donc, ces regards cachés. Ils ne sont pas cachés pour Allah Azza wa Jal. Il les sait. Après, il dit, subhanahu wa ta'ala, et ce que cachent les poitrines. Les poitrines, c'est comme une tombe. Personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Personne parmi les gens ne sait ce que renferment ces poitrines. Donc, ces poitrines peuvent renfermer des choses bonnes ou mauvaises. Allah Azza wa Jal sait tout cela. Allah Azza wa Jal, avec le cœur intérieurement, il se peut que des personnes fassent des péchés. Même, vous savez, même le shirk. Le shirk, c'est quoi? Ça peut être l'acte du cœur. La vénération, l'amour, la crainte, etc. Et parmi cela, il y a aussi l'intention, la volonté de faire des péchés. Les gens de science disent que il se peut qu'une personne, on lui inscrive un péché alors que la personne ne l'a même pas fait. Comment est-ce possible alors qu'Allah est juste, Allah est équitable? L'explication est que il y a des personnes qui veulent faire des péchés. Ils ont la ferme intention de faire le péché. Khlas. Sauf qu'ils ne le font pas parce qu'il y a un empêchement qui l'empêche. Donc, il est dans un rayon, il voit des bonbons, il dit, voilà, je vais voler le bonbon, je vais le manger, personne ne m'aura vu. Dans le rayon, là où il y a les bonbons, il y a un agent de sécurité. Impossible de le faire. Et si l'agent de sécurité part, il va le faire. Peut-être il va faire un tour, il revient, il va... Dommage, il est encore là. C'est pas pour aujourd'hui. La personne a eu la ferme intention de faire le péché, mais elle ne l'a fait que parce qu'elle n'a pas pu le faire, alors elle aura un péché. qui a vu cette personne faire ce péché? Qui l'a a témoigné? Personne. Mais Allah Azza wa Jal le savait. Donc Allah Azza wa Jal, il est tout miséricordieux, très miséricordieux, grand pardonneur, clément et indulgent. Ceci veut dire, entre autres, il sait tout ce que tu fais. Et voilà pourquoi, très souvent, je vous rappelle, mes frères en Allah, n'essayons jamais de ruser avec Allah. On ne peut pas. Et si on le fait, on ruse contre nous-mêmes. Donc si un jour on était amené à faire un péché, il ne faut pas essayer de le maquiller, ce péché. Oui, au fait, mon intention, oui, au fait, je pensais que j'ai cru comprendre, j'ai cru croire entendre. Une fois, j'ai lu un passage, une personne m'a dit. Entre parenthèses, je m'excuse du terme, qu'on ne se moque pas de nous-mêmes. Allah Azza wa Jalla sait tout. Et c'est mieux que toi ce que tu veux. Et tu ne peux pas, demain, on te demandera de témoigner, tu témoigneras. Et si tu veux, si tu demain tu voudras mentir, non, wallah, ya Allah, j'ai fait ça pour. اليوم نختم على أفواههم. On clôturera leur bouche. وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Et nous. Et témoigneront leurs mains et leurs pieds de ce qu'ils faisaient. Dans un hadith, il est rapporté qu'une personne sera jugée en al-qiyama pour ses actes. Et il se défendra, non, Allah, je n'ai pas fait. Allah Azza wa Jal fermera sa bouche, clôturera sa bouche. Et ses membres là parleront. J'ai fait. Ils diront. Après, il dira, Waïlakum, an kunna kuntu unadil. Malheur à vous, je vous défendais vous pour que vous ne soyez pas brûlés en enfer. Et comment vous témoignez contre moi, contre vous? Allah, ça, je le savais. Et il a fait parler ce qu'il ne ment pas. Des membres de la personne. Donc tout ça pour dire que la toute première chose qu'on apprend à travers ces nobles noms, de savoir que, avoir présent dans notre esprit, dans notre conscience, qu'Allah sait tout ce qu'on fait. Même ce que tu caches, même ce que tu camoufles et maquilles avec une soi-disant bonne intention, sache qu'Allah Azza wa Jalla sait. Et Allah sortira la fin fond profondeur de ton cœur. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide et nous pardonne. Le second enseignement qu'on peut tirer de ces nobles noms d'Allah Azza wa Jal, le grand pardonneur, le très pardonneur, le pardonneur et l'indulgent, il y a le fait de dire que Allah Azza wa Jal, le très haut, est longamine envers ses serviteurs. Il ne les saisit pas par le châtiment du seul fait de leur désobéissance. Longamine, c'est un terme qui veut dire qui est patient et indulgent. Ça reprend bien le sens en arabe de l'halim. Élevé soit-il, longamine, patient et indulgent, envers ses serviteurs, et ne les saisit pas par un châtiment du seul fait de leur désobéissance. Allah a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, « Si Allah saisissait les gens pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait sur sa surface aucune créature vivante, mais il les diffère jusqu'à un terme fixe. » Allah Azza wa Jal est indulgent. Allah Azza wa Jal est longamine, patient et indulgent. Cela veut dire que Allah Azza wa Jal sait, voit, entend les péchés de ses serviteurs. Donc, ses serviteurs qui transgressent, qui désobéissent, qui se rebellent, qui font front et face à qui au Seigneur demande Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, le Roi suprême, le Juste suprême, celui qui a des armées que personne ne peut cerner, compter et savoir. Il aurait convenu qu'à la moindre erreur, au moindre écart, au moindre dépassement, au moindre péché, il aurait convenu qu'il les prenne par un châtiment. Ça aurait été de son droit, ça aurait été une justice. Rappelez-vous ce que nous avons dit précédemment sur les dictateurs. Et rappelez-vous aussi ce qu'on peut dire sur, pas des dictateurs, des gouverneurs, des gouvernants qui ont mis des règles strictes. Et une fois que ces règles sont transgressées, ils ne pardonnent pas. Il n'y a pas d'indulgence dans telle et telle chose. Allah Azza wa Jal aurait eu tous les droits de ne pas pardonner et de prendre les gens par un châtiment dès qu'ils auraient fait un acte de mécréance, fait un acte de polythéisme, avoir eu un acte ou une parole, un caractère d'hypocrisie, avoir fait un péché majeur, un grand péché, un péché mineur. Il aurait eu tous les droits, subhanahu wa ta'ala. Car de qui transgresse-t-on les lois? Le Seigneur des mondes, le Roi des rois, le Juge suprême, le triomphant, le plus fort, le plus noble, le plus haut. Sauf que lui, subhanahu wa ta'ala, dans ses attributs de perfection, il est longamine, patient et indulgent. Ça veut dire que lorsque la personne fait un péché, Allah Azza wa Jal n'empresse pas le châtiment. Il laisse du temps. Car si Allah Azza wa Jal aurait pris les gens pour leur premier péché, il n'aurait laissé sur terre aucune âme vivante. Qui ne pêche pas? Tout le monde pêche. Qui ne fait pas d'erreur? Tout le monde le fait. Qui n'est pas pris par une passion un jour ou l'autre? Tout le monde le fait. Qui n'est pas pris par une ambiguïté un jour ou l'autre? Tout le monde a subi cela. Allah Azza wa Jal, s'il aurait pris les gens par le premier de leurs péchés ou leur grand péché, personne ne serait vivant sur terre. Mais Allah Azza wa Jal, si Allah saisit les gens par ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait sur sa surface aucune créature vivante. Mais Allah Azza wa Jal les diffère, leur donne un répit, un temps. Vous voyez, mes frères, Allah, les péchés. On sait tous que tous ont fait des péchés. Tous les enfants d'Adam sont pécheurs. Si Allah Azza wa Jal ne venait à nous juger que sur une seule et unique obligation, qui est le plus important pilier de l'islam après le tawhid, la prière. Je ne parle que des cinq prières. Uniquement les cinq prières obligatoires. Qui parmi nous peut dire, peut prétendre, peut espérer qu'il n'a pas de défaillance au niveau de ses prières? Je ne parle pas de la prière qu'on a fait tout à l'heure, où on a fait derrière un imam qui a bien récité le Coran, qui a été affecté par la récitation, et nous, on a suivi, on a été affecté. On ne parle pas d'une prière qu'on a fait après avoir écouté un rappel ou un cours qui a été la cause de la revivification de notre cœur. Je ne parle pas d'une prière après le Jumu'ah, je ne parle pas d'une prière après le Tarawih, pendant le Tarawih, pendant le Ramadan. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des cinq prières que tu es censé accomplir correctement et convenablement depuis le jour de ta puberté jusqu'à le jour de ta mort. Et tu sais bien que tu seras jugé pour chacune de ces prières. Tu veux compter? Je te laisse compter. Qui peut prétendre et espérer et dire que moi, mes prières, Inch'Allah, c'est bon. Il y a juste que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qui peut dire que mes prières, moi, c'est bon? Si Allah nous jugeait uniquement sur nos prières, là, c'en est. Le sort est scellé. Et juste pour ce pilier de l'islam, cette grande obligation, juste pour ça, si Allah Azzawajal nous aurait jugé, il nous aurait effacé de sur terre. Que dire pour le reste? Sauf qu'Allah Azzawajal n'est pas ainsi. Il est indulgent, il est clément, il est pardonneur, il est patient. Voilà pourquoi il nous laisse le temps. Il n'empresse pas le châtiment, la rétribution. Pourquoi? Il se peut qu'Allah Azzawajal lui-même pardonne le péché. Sans que tu fasses rien du tout. Il te pardonne. Ou bien, Allah Azzawajal veut te laisser du temps pour que tu te reprennes, pour que tu réfléchisses, tu médites, tu t'exhortes, tu penses, tu rappelles, tu te rappelles, tu vois des événements, tu écoutes un cours, tu lis un livre, tu assistes à un prêche, tu lis le Coran, tu vois des morts, tu vois des malades, tu fais un accident, tu as vu, comme on dit nous, la mort entre tes yeux. Et après, tu reviens vers Allah, repentant, demandant le pardon auprès de lui, subhanahu wa azzawajal. Ou bien, Allah Azzawajal te laisse un délai afin que même si tu ne te repens pas de ce péché-là, tu vas bien œuvrer. Tu vas faire des bonnes actions qui pourront éventuellement être la cause du pardon de tes péchés ou bien non. Tu feras des bonnes actions et le jour de la résurrection, n'oubliez pas qu'il y a la pesée des actes. Les bonnes actions sur un côté de la balance et les mauvaises actions sur l'autre côté de la balance. Tu as fait ces péchés avec plusieurs S du pluriel. Ces péchés, beaucoup de péchés. Mais si tu as fait de ton mieux pour équilibrer la balance et faire en sorte que tes bonnes actions soient plus nombreuses, plus lourdes, et qu'elles prennent le dessus et qu'elles soient plus lourdes que les mauvaises actions, même si là, il y a le mal et le mauvais, tu passeras. De par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah te laisse le temps, te laisse. C'est à toi de voir ce que tu fais de ton temps. Est-ce que tu vas lire les commentaires? Lui, il a dit, tu vas répondre, tu vas rentrer dans des conflits, tu vas faire ça. Ou autre chose. Allah Azza wa Jal donne du lest dans le temps pour le serviteur, pour qu'il se repente, pour qu'il demande le pardon, pour qu'il se reprenne, pour ce qu'il regrette. Une fois que la passion est tombée, même il a fait le péché. Il a été pris par une passion, il a fait le péché, après, pouf, il n'y a plus rien. Subhanallah, qu'ai-je fait? Subhanallah, j'ai franchi le pas. Et après, peut-être qu'Allah Azza wa Jal guidera cette personne pour revenir vers lui. Et Allah accepte. Tant que la personne est sincère et véridique et se réforme. Parmi ceux-là, ce qui prouve et atteste cela, nous avons un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « L'ange chargé de la gauche retient sa plume pendant 6 heures au sujet du serviteur musulman qui a commis une faute. S'il regrette et demande pardon à Allah pour celle-ci, elle est effacée. Sinon, une seule mauvaise action sera inscrite. L'ange du côté gauche. Il est dit que c'est l'ange qui écrit les mauvaises actions dans ton registre. Cet ange a reçu l'ordre de ne pas écrire sur ton registre le péché que tu fais et de patienter 6 heures. 6 heures, ce n'est pas 6 heures, 6 fois 60 minutes. Les heures au temps du prophète Ali Sattam, ce n'était pas les heures que nous avons nous maintenant, c'est un certain temps. Mais 6 heures, c'est beaucoup. Ce n'est pas un laps de temps, ce n'est pas 30 secondes. 6 heures, c'est un temps assez étendu, assez large. Donc il patiente et il n'écrit pas, il ne retranscrit pas le péché jusqu'à 6 heures. Espérant, attendant que le serviteur regrette et demande le pardon. S'il le fait, s'il regrette et demande le pardon, il n'écrira même pas le péché. Il ne sera même pas inscrit. Si après 6 heures, il ne se repent pas, il ne regrette pas, il ne demande pas le pardon, son péché sera écrit. Mais il sera écrit avec justice, un péché. Et bien sûr, vous savez que si après ces 6 heures, il venait à se repentir, Allah l'accepte. 6 heures, c'est pas... Si tu te repens dans ces 6 heures, sinon c'est mort. Non. Tu te repens pendant ces 6 heures, ça veut dire que le péché ne sera même pas inscrit. Si ces 6 heures sont dépassées et que 3 mois plus tard, Allah te guide et te guide vers le repentir et tu te repens, Allah est bon, Allah est indulgent, Allah est clément, Allah est, a réuni tous les attributs de perfection et de beauté. Il te pardonnera, Inch'Allah. Un autre hadith. Un hadith qui donne des frissons. Qui donne des frissons au dos. Qui fait peur. Sauf que, en même temps, il renferme des enseignements qui apaisent et qui donnent de l'espoir et qui donnent un amour envers Allah qui pousse vers une reconnaissance de sa grandeur, de sa beauté, de sa bonté, subhanahu wa azzawajal. Le hadith, c'est un hadith qui est cité parmi les 40 hadiths Nawawi, an Abi Mas'ud, un compagnon de Abu Mas'ud, al-Badri, si je ne me trompe pas. Ibn Mas'ud ou Abu Mas'ud? Ibn Mas'ud, jazakallahu khayran. Donc il dit que la création de l'un d'entre vous se fait dans le ventre de sa mère pendant 4 mois, etc. À un moment donné, le prophète alayhi salam a dit « Et certes, un homme accomplit les œuvres des gens du feu, au point qu'il ne reste entre lui et celui et celui-ci qu'une coudée. Alors, ce qui est écrit le devance, et il accomplit des œuvres des gens du paradis, et il entre au paradis. » Certes, une personne parmi vous, un être humain, accomplit les actes des gens de l'enfer, les péchés, les obscénités, les transgressions, le haram, la désobéissance, le détournement des obligations. C'est ça, les actes des gens du paradis, c'est ça le chemin que prend la personne qui mène au paradis, en enfer. En enfer. Cette personne accomplit les actes des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée. Une coudée, c'est ça. Du coude au bout de tes doigts. Ça veut dire que très peu de temps le sépare de l'enfer. Allah Azzawajal fait devancer la destinée. Allah avait destiné que cette personne, à la fin de sa vie, change, se repent et accomplit les bonnes œuvres. Il changera, il se repentira, Allah lui pardonnera, il mourra sur les bonnes actions et rentrera au paradis. Dans la morale, pourquoi avoir cité cela, ce hadith-là, dans notre thème? Il a dit quoi? La personne accomplit les œuvres des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée. Ça veut dire combien de fois il a fait ça? Combien de temps? Une minute? 10? 6 heures? Un mois? Un an? Non. Toute une vie, toute une vie. Il a fait quoi? Les obscénités, les péchés, peut-être les grands, peut-être les plus graves. Mais ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il se repent. Si Allah Azzawajal n'aurait pas été indulgent et patient, il aurait pris au premier de ses péchés. Lorsqu'il est devenu pubère, 3 mois plus tard, il a fait un péché, il aurait pu le prendre, Allah Azzawajal. À 14 ans, il aurait pu le prendre. À 15 ans, à 17 ans, à 23 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 67 ans. Il aurait pu le prendre durant toute cette durée. Parce que durant toute cette durée, il faisait les actes des gens de l'enfer. Mais Allah Azzawajal l'a laissé, et ça a profité pour lui. Il est revenu, Allah l'a accueilli, Allah l'a accepté, et il le fera rentrer au paradis. Donc vous voyez comment Allah Azzawajal est patient, indulgent envers ses serviteurs. Il n'empresse pas le châtiment. C'est pour cela que, dans le même contexte, Omar Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il était calife, on lui ramena une personne qui avait volé. Bien qu'il avait consommé l'alcool, je ne me rappelle plus. Il a voulu appliquer sur lui la sentence. La personne lui a dit, « Ya Omar, s'il te plaît, c'est la toute première fois que je le fais, pardonne-moi, excuse-moi, je ne referai pas. » On lui a dit, « Non, jamais. » Jamais une personne fait un péché pour la première fois et Allah le dévoile. Allah ne dévoile qu'à partir de la 10e fois. Hajib. Ça veut dire que tu fais, là te couvre, te laisse. Te donne un répit, un temps pour que tu reviennes. Si tu reviens, tant mieux pour toi. Si tu ne reviens pas, tant pis pour toi, na'oudou billah. Si Allah Azzawajal nous permet, on citera d'autres preuves et d'autres exemples qui vont dans le même sens. Donc, pour ne pas oublier ce que nous avons dit, le second enseignement qu'on apprend de ces nobles noms d'Allah Azzawajal qui vont dans le sens du pardon et de l'effacement des péchés, c'est que notre Seigneur, le Tout-Haut Subhanahu wa Azzawajal, est longinamine, patient et indulgent envers ses serviteurs. Il ne les saisit pas par le châtiment du seul fait de leur désobéissance. Il leur laisse le temps pour soit qu'il leur pardonne, soit qu'ils se repentent, soit qu'ils œuvrent bien à un moment donné de leur vie. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde ses bienfaits. Amen. الفائدة الثالثة التي نستخلصها من هذه الأسماء العظيمة الجليلة أنه سبحانه اتصف بصفات الكمال، فهو عفو غفور لمن حكم الله له بذلك، وهو شديد العقاب لمن حكم الله عز وجل له بذلك. قال أجل القائلين: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Allah Azza wa Jal ittasafa bi sifati al-kamal. Ittasafa bi kulli sifati al-kamal ala wajhi al-kamal. Wa min dhalika annahu hakama bi rahmatihi wa maghfiratihi liman sha'a huwa subhanahu wa ta'ala. Wa hunaka min an-nas man hakama Allah Azza wa Jal alayhim bi ghadabihi wa 'iqabihi. Wa hadha huwa al-kamal. فمن الناس من يستحق وهو أهل للمغفرة ومن الناس من ليس أهلا لها ولا يستحقها. فوصف الله عز وجل بذلك من الكمال سبحانه وجل في علاه. Donc le troisième enseignement que nous apprenons de ces nobles noms d'Allah Azza wa Jal est que notre Seigneur le Tout-Haut Subhanahu wa Azza wa Jal est qualifié des attributs de perfection. Il est celui qui efface et pardonne à qui il en a décrété, et il est dur en châtiment envers qui il en a décrété. Dans tout ce que nous citons, il ne faut pas oublier le fondement, le principe que nous citons les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs de perfection. Allah Azza wa Jal a les attributs de a tous les attributs de perfection à la perfection. Tous, il les a. Tous les attributs de perfection à la perfection. Et parmi les attributs de perfection, c'est tout ce qui va dans le sens du pardon. Mais aussi, parmi les attributs de perfection, il y a tout ce qui va dans le sens de châtier celui qui mérite. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décrète et décide qui mérite, qui est digne de son pardon, de sa clémence et de son indulgence. Et c'est lui qui juge et décrète et choisit et choisit qui est digne et qui mérite sa colère et son châtiment. Car si une personne venait à n'avoir comme attribut que le pardon et jamais le jugement équitable de dureté lorsqu'il faut, équitable et juste, là où il faut et quand il faut et comme il faut, que le pardon, c'est pas bon. Que le pardon, uniquement ça, c'est pas bon. Le pardon, c'est bien, c'est bon, on n'en parle pas. Mais dans tout état de cause, dans tous les cas, dans toutes les situations, que le pardon, non, il y a des gens qui méritent, qui ne méritent pas le pardon. Et inversement, que le châtiment, que la représaille, que la colère, ça aussi, c'est pas bon. Allah Azza wa Jalla est parfait dans ses attributs. Il a le pardon et il a la colère. Et ce qui va avec. Et il les met, subhanahu azza wa jal, comme il se doit, là où il se doit, selon ce que lui décrète, ce que lui juge, ce que lui estime, bien sûr, avec sa science, sa sagesse, sa justice et sa miséricorde. Et ça, c'est la perfection de notre Seigneur, subhanahu azza wa jal. Le pardon là où il faut. Là où il faut, c'est lui qui décide là où il faut. Et la colère et le châtiment là où il faut. Et une fois de plus, c'est lui qui décide et qui décrète où faut. Où est-ce qu'il faut ce châtiment-là ? Allah Azza wa Jalla a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sourates du Coran, « Informe mes serviteurs que je suis, moi, le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment douloureux. » Donc il a la perfection. Il a tout ce qu'il faut et il les met là où il faut, subhanahu wa ta'ala. Le quatrième enseignement est que Allah Azza wa Jal est le roi, le juge rétributeur, le tout haut, le suprême. Celui qui fait ce qu'il veut. Nul ne peut revenir sur son jugement. Ainsi, son effacement et son pardon relèvent de sa volonté et sont accompagnés de sa science, sa sagesse, sa justice et sa miséricorde. Allah Azza wa Jalla a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, « Tu n'as aucune part dans l'ordre. Soit il accepte leur repentir, soit il les châtie, car ce sont des injustes. Et à Allah appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Et Allah est tout pardonnant, très miséricordieux. » Nous avons cité ce verset à plusieurs reprises et très souvent je le citais de mémoire. Et je vous racontais l'histoire de mémoire. Aujourd'hui, j'ai voulu vous citer les textes pris des sources, de quelques sources. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a dit à son prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as aucune part dans l'ordre. Les savants disent que ce verset fut révélé après la bataille de Uhud, si je ne me trompe pas. Après la bataille de Uhud, il y a eu certains mécréants de la Mecque qui étaient très, très, très virulents dans leur animosité, dans leur combat, dans le mal qu'ils faisaient pour le prophète alayhi sallam, contre le prophète alayhi sallam, contre les compagnons et contre l'islam. Et parmi eux, il y avait quatre qui s'étaient distingués plus que les autres. C'était des têtes et qui faisaient le plus de mal. Alors, le prophète alayhi sallam a fait du'a al-qunut contre eux. a fait un doua contre eux et a invoqué la malédiction d'Allah Azzawajal contre ces personnes. Et il les a cités par leur nom. D'après Salim, fils de Abdullah, fils de Omar ibn Khattab, qu'Allah les agrée, a dit, donc son père a dit, j'ai entendu, donc Abdullah ibn Omar a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, ô Allah, maudit un tel, ô Allah, maudit Al-Harith ibn Hisham, ô Allah, maudit Suhail ibn Amr, ô Allah, maudit Safwan ibn Umayya. Ça veut dire quoi, la malédiction, maudire? Cela veut dire que c'est l'exclusion. Ces personnes sont exclues de la miséricorde d'Allah. Et quand tu es exclu de la miséricorde d'Allah, tu tombes dans la colère d'Allah et dans son châtiment. Il n'y a pas d'autre issue. Le prophète alayhi salatu wasalam a invoqué Allah azzawajal afin qu'il les maudisse. Et qui est maudit est forcément voué à en enfer aucune autre issue possible. Le prophète alayhi salatu wasalam a maudit qui ? Ces têtes de la mécréance, ces têtes de l'animosité, de le combat contre l'islam et les musulmans. Ceux qui voulaient anéantir l'islam et les musulmans et tuer le prophète alayhi salatu wasalam. On aurait pu penser que il le mérite. Sauf que Allah Azza wa Jal a repris notre prophète et messager, son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, il ne t'appartient en rien de décider de leur sort. Soit il accepte leur repentir, soit il les châtie, car ce sont des injustes. Allah Azza wa Jal a dit, il ne t'appartient pas de décider de leur sort. Ce n'est pas à toi de décider qui rentrera au paradis, qui rentrera en enfer. Ce n'est pas à toi de décider qui mérite ma malédiction et qui mérite mon pardon et ma clémence et ma miséricorde. Toi, tu es notre envoyé, notre messager. Tu as pour mission de transmettre le message. Le jugement ne t'appartient pas. À qui a dit Allah Azzawajal cela ? À son prophète et messager, le meilleur des êtres humains. Et peut-être le meilleur de la création d'Allah subhanahu wa Azzawajal. Il ne t'appartient pas. Je vous laisse méditer là-dessus. Est-ce que c'est à nous que cela appartient ? Il ne t'appartient en rien de décider de leur sort, soit il accepte leur repentir, soit il, Allah, accepte leur repentir. De qui ? Ces personnes que nous avons décrites. Ça veut dire, Allah peut accepter leur repentir. Ou bien, c'est pas qu'il accepte leur repentir, qu'Allah leur pardonne. Allah Azza wa Jal peut leur pardonner, même sans rien, sans qu'ils aient rien fait. Justement là, le Cheikh Saadi a dit que Allah a cité qu'il leur pardonne, mais il n'a pas cité un acte pour lequel il leur pardonne. Ça veut dire, il a dit, c'est une pure bonté et grâce à Allah Azza wa Jal de leur pardonner. Après, il a dit, soit il leur pardonne, soit il les châtie, car ce sont des injustes. Subhanallah. Là, il a cité la raison pour laquelle il les châtie. Soit il les châtie, car ils sont des injustes. Il n'a pas dit soit il les châtie, sans citer le pourquoi il va les châtier. Non, s'il leur pardonne, il peut leur pardonner alors qu'ils ne méritent même pas. C'est Allah qui a décidé. C'est lui le juge suprême. Il fait ce qu'il veut. Sa création, il en fait ce qu'il veut. Mais pour le châtiment, Allah est juste. Allah ne châtie que s'il y a une chose que les gens, les êtres humains peuvent voir, peuvent percevoir concrètement qu'ils ont mérité ce châtiment. Soit il les châtie, car ce sont des injustes. Le compagnon qui rapporte ce hadith a dit, et ils furent tous pardonnés. Ces quatre personnes. Suhail ibn Amr, Harith ibn Hisham, et Safwan ibn Umayya, et l'autre quatrième personne qui n'a pas été citée. Et dans une autre version, Allah les a guidés vers l'islam. Si nous prenons, donc là nous voyons que le prophète a invoqué la malédiction contre ces personnes bien précisément. Mais à la finale, Allah les a guidés. C'est Allah qui décide, c'est Allah qui choisit. même le pire des pires des pires des malfaisants, si Allah veut qu'il le guide, il le guidera. Si Allah veut lui accorder son pardon, il lui donne son pardon. Et rien ni personne ne peut revenir sur cette décision divine. Allah fait ce qu'il veut. Toi, ce que tu peux demander, qu'on ne te fasse pas une injustice. Sois juste que tu ne subiras aucune injustice. Mais la grâce et la bonté d'Allah Azzawajal, il l'accorde à qui il veut. Tu invites un ami à toi à prendre un café et tu invites une autre personne à prendre un repas copieux. Celui que tu as invité à prendre un café peut dire, hey, mon frère, pourquoi moi un café et lui un repas copieux ? C'est injuste. Il a le droit. Non. Ce n'est pas son droit d'avoir un café ou d'avoir un repas. C'est toi qui es gracieux. Tu as choisi de donner un café à lui et un repas copieux à l'autre. C'est ton droit, tu fais ce que tu veux. À plus forte raison et digne de lui, Allah Azza wa Jalla fait ce qu'il veut. Et il s'est imposé de ne pas être injuste. Il a décrété de ne pas être injuste. Alors il n'est pas injuste, subhanahu wa ta'ala. Prenons une de ces quatre personnes, Souhail ibn Amr. Souhail ibn Amr était une tête parmi les têtes des Quraïchites mécréants à cette époque-là de la bataille de Badr. Et avant, bien sûr. Ce nom ressort dans la biographie du prophète alayhi salam et dans sa vie, dans les événements de l'islam. Souhail ibn Amr était un notable parmi les notables de la Mecque. C'était un fervent ennemi de l'islam et des musulmans et du prophète alayhi salam. Vous savez que le prophète alayhi salam, à un moment donné, il est parti faire la Umrah. Donc il partit faire la Umrah. Donc il y avait des batailles, des guerres entre lui et les Quraïchites. Et les Quraïchites avaient pour règle universelle, toute personne qui vient à la Mecque pour faire le pèlerinage, on le laisse. Les proches et les lointains, les amis et les ennemis. Tout le monde. Si tu viens, tu veux faire le pèlerinage, on n'empêche personne. Le prophète alayhi salam a voulu user de ce droit. Il est parti faire la Umrah avec ses compagnons. Une fois arrivé à la Mecque, les proches de la Mecque, les Mécois, ils ont dit « c'est pas possible, il est notre ennemi, on se bat avec lui, il va rentrer, comme ça il va nous narguer. Comme ça les gens vont nous narguer également. » Non, il ne rentre pas. Le prophète alayhi salam a dit « si il me demande un accord profitable, j'accepterai. » Ils ont envoyé qui pour les pourparlers ? Ils ont envoyé Souhail ibn Amr. Souhail ibn Amr était très très dur et très virulent. Au début, lorsqu'ils voulaient écrire le pacte, le prophète alayhi salam a dit à Ali radiallahu anhu, écris Bismillahir Rahmanir Rahim. Souhail a dit, moi je ne connais pas Ar-Rahmanir Rahim. Écris Bismikallahum. Le prophète alayhi salam a dit, Banish. Écris Bismikallahum. Le prophète alayhi salam a dicté à Ali, écris, voilà ce qu'a convenu Muhammad, le messager d'Allah. L'autre lui a dit non. Si je savais que tu étais le messager d'Allah, je ne t'aurais pas combattu. Écris, voilà ce qu'a convenu Mohammed, fils de Abdallah, avec Souhail ibn Amr. Sallallahu alayhi wa sallam. Ali, radiallahu anhu, était pris de colère, il ne voulait pas l'écrire. Le prophète, alayhi sallam, a effacé Rasulullah. Il lui a dit, écris maintenant Mohammed ibn Abdallah. Parmi les clauses de cette convention, il y avait le fait que si de la Mecque, une personne venait à sortir de la Mecque et aller vers Médine pour embrasser l'islam et pour être avec les musulmans, le prophète alayhi salam avait l'engagement et l'obligation de renvoyer cette personne en Quraïchite. Il s'est sauvé des gens de la mécréance pour vivre pleinement son islam. Le prophète et messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait l'obligation de le retourner chez ses gaules. L'injustice. Et si jamais une personne parmi les gens de Médine venait à apostasier et se sauver de Médine, aller à la Mecque pour être protégé ou pour être avec les gens de la Mecque, les Mécois ne le retourneraient pas au prophète. Ça a été validé. À ce moment-là, Qadarullah. Le fils de Souheil ibn Amr, qui était musulman croyant et qui était oppressé et torturé par son père. Il était attaché, il était ligoté, il était enchaîné par son père. Et il subissait un châtiment. À un moment de négligence, il a pu se sauver. Et il est venu auprès du prophète, mais vu qu'il était enchaîné, il s'est rapproché le maximum possible du prophète. Ensuite, il a sauté, il est tombé devant ses pieds, cherchant refuge auprès du prophète et pensant qu'il était délivré. Souheil ibn Amr a dit: voilà la première épreuve. Lui, il revient avec moi. Son fils, sous la torture, il revient avec lui. Prophète lui a dit: mais on n'a pas encore signé le pacte. Il lui a dit: c'est ça ou c'est rien. Il revient pas avec moi, j'arrête tout, je repars. Et bien sûr, l'autre ne s'est pas retenu de lui faire subir un châtiment. Qui est cette personne? Souheil ibn Amr. Après, ce qui s'est passé à Uhud, vous l'avez entendu, il était très virulent contre le prophète, les musulmans et l'islam. Sauf que après que le prophète ait invoqué la malédiction contre cette personne, Allah l'a guidé à l'islam. Et il est devenu musulman. Et pas que, il est devenu un bon musulman. Et ce qui relève et reflète sa droiture et sa guidée, sa bonne guidée, c'est le jour de la mort du prophète alayhi salatu salam. Vous connaissez tous l'histoire à Médine. Il y a eu des troubles, les gens ne comprenaient pas ce qui se passe, il y a des questionnements et tout. Après, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, a pris la parole et a dit: celui qui a adoré Mohammed, alors sachez que Mohammed est mort. Et celui qui a adoré Allah, alors sachez qu'Allah est vivant et qu'il ne meurt pas. Il a resté le verset: Inna kamayitun, tu vas mourir, ou Inna umayitun, ils vont tous mourir. Ça a été la cause par laquelle Allah a raffermi les gens de Médine. Et à la Mecque, qui avait-il? À la Mecque aussi, il y a eu: ah oui, il est mort, donc c'est pas un prophète. Un prophète meurt, c'est pas possible, c'est pas normal. Ça veut dire que Souheil ibn Amr a pris la parole et a prêché les gens de la Mecque avec un prêche qui a été la cause par laquelle Allah Azzawajal a raffermi les gens de la Mecque. C'est qui cette personne? Celui sur qui le prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam, avait invoqué la malédiction contre lui. Mais ça, ce n'est pas l'affaire de personne autre qu'Allah Azzawajal. Allah l'a guidé, il est devenu un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Personne parmi nous ne peut arriver à la cheville ou bien le dessous de son pied. C'était un compagnon. Allah Azzawajal décide ce qu'il veut, décrète ce qu'il veut, accorde sa guidée à qui il veut, accorde son pardon, sa miséricorde à qui il veut. Personne ne le reprend sur cela. Une toute petite faïda, si vous, jamais vous lisez ou vous écoutez les récits de la biographie du prophète alayhi salam, et que vous voyez qu'une personne était un mécréant, même virulent contre l'islam et les musulmans, ne vous empressez surtout pas à dire du mal de cette personne. Parce qu'il se peut que cette personne ait embrassé l'islam plus tard. Donc, personne d'autre que Allah Azzawajal n'a part à cela. Le pardon, la miséricorde et la clémence. Personne ne peut lui imposer, subhanahu wa ta'ala, d'effacer les péchés de qui que ce soit ou de pardonner à qui que ce soit. Personne n'a le pouvoir, n'a la capacité, n'a le droit d'imposer à Allah de pardonner. Et personne n'a la capacité, n'a le pouvoir, n'a le rang d'imposer à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas pardonner à qui il veut. Et nul ne peut corriger ou rattraper ou reprendre Allah azzawajal sur un de ses jugements à ce sujet. Si Allah décide quelque chose, personne ne peut dire oui, pourquoi, mais comment, mais personne. C'est Allah le juge suprême. Rappelez-vous, il est le roi, le juge rétributeur suprême, celui qui fait ce qu'il veut. Nul ne peut revenir sur son jugement, ainsi son effacement des péchés et son pardon relèvent de sa volonté, accompagné de sa science, sa sagesse, sa justice et sa miséricorde. Jundub, le noble compagnon Jundub ibn Junada, radiallahu anhu, a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Un homme dit par Allah, Allah, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Alors Allah, élevé soit-il, a dit « Qui donc ose jurer à mon sujet que je ne pardonnerai pas à un tel ? Je lui ai certes pardonné et j'ai rendu vaines tes œuvres. » La personne a dit « Wallah, Allah ne pardonnera pas à un tel. » Il est fort probable que ce un tel faisait des mauvaises choses. Pardonner ? Pardonner quoi ? Un péché. Et si une personne arrivait au point de dire que Allah ne te pardonnera pas, ça veut dire que la personne a fait quelque chose de gravissime. Mais la personne, l'erreur, c'est la personne qui a juré, comme si c'était, il s'était attribué le droit de décider est-ce que Allah peut pardonner ou pas à tel ou un tel. Wallah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Allah dit, qui donc ose jurer à mon sujet cherchant à m'imposer à qui je dois pardonner, à qui je ne dois pas pardonner. Je lui ai certes pardonné. Est-ce qu'il a été cité dans le hadith où cette personne s'est repentie et a accompli des bons actes ? Ce n'est pas cité. Peut-être que oui, et peut-être que non. Et Allah fait ce qu'il veut. Pardonne à qui il veut. Personne ne le reprend sur ses jugements. Je lui ai certes pardonné, et j'ai rendu vaines tes œuvres. Toi qui as voulu, qui as prétendu avoir le droit d'imposer à Allah Azzawajal ton jugement à toi. Tout ça pour dire que le pardon est le droit d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Ce que les gens peuvent demander, c'est la justice. Ne pas subir une injustice. T'inquiète pas, Allah n'est pas injuste. Et ne fera subir une injustice à personne, Yawm al-Qiyamah. Mais sa grâce, sa bonté, il la donne à qui il veut et c'est lui qui décide. Et son décret à ce sujet dépend de sa science, sa sagesse, sa justice et sa miséricorde. Baqiyat alayna noqtatan natrukuha lil asbu' al-qadim insha'Allah azza wa jalla. Il nous reste deux points. Nous le reportons à la semaine prochaine, Inch'Allah Azzawajal. Qu'Allah Azzawajal nous accorde les effets et les fruits de sa miséricorde, sa clémence, son pardon à nos familles, à nos proches, à nos parents et à la communauté musulmane et à tous les musulmans et à toutes les musulmanes. Sallallahu Azzawajal. An yataghammadana bi rahmatihi wa an yashmalana bi afwihi wa afiyatihi. نحن ووالدينا وأهالينا جميعا وعموم المسلمين والمسلمات وكل مسلمين هذا والله أعلم. بارك الله فيكم وثقل الله عز وجل موازين حسناتكم بصبركم ومثابرتكم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.